Et ça... ça commence bien. tu veux qu'on coupe? La saison commence plutôt bien, je trouve. Alors... grosse période de vacances. Les vacances, non, pour moi les vacances ont été une chimère bien lointaine. Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de La Manette au débat. Une émission qui vous est présentée désormais, vous avez l'habitude, par Causons Pixel, le blog qui a pour but de réfléchir sur l'industrie du jeu vidéo et sur les œuvres vidéoludiques. Mais ce n'est pas tout, plus que autre nouvelle, c'est aussi désormais présenté par l'association Causons Écran, qui, elle, a pour but de refaire le lien parent-enfant autour du jeu vidéo, de démystifier le jeu vidéo, éviter les préjugés, les peurs dessus à travers des conférences, des ateliers, et pas que des ateliers jeux vidéo, puisqu'il y aura aussi des ateliers cinéma. On va peut-être pas s'épancher dessus, non? Si? Non, bah, voilà. Dis au moins, ça se situe. Où ça se situe? Quelque part dans les quelques kilomètres de la France, du sud de la France, en Occitanie, bref. L'asso est évidemment basée à Lunel, mais elle peut très bien faire ses actions eh bien, partout où on la demande. Voilà, alors pour cette nouvelle saison, eh bien, on va refaire un petit tour de table comme la première fois où il y a eu des LMAD. Nous avons, honneur aux dames, Tiffen. Bonjour. Tiffen, qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Que fais-tu? Ah, je sais pas. J'ai été invitée, mais on m'a pas dit pourquoi, donc je vais le découvrir petit à petit. Non, ce que je fais dans la vie, alors je m'occupe des comédiens, je suis agent artistique et j'espère que bah, peut-être que je pourrai apporter un éclairage sur certaines choses ou pas, on verra. Voilà, et nous avons Damien. Bonjour, mon parcours il n'a pas vraiment changé, hein, toujours dans l'audiovisuel, même si cette année je suis dans des études un peu plus privées, donc sound design, et toujours amateur de jeux vidéo à mes temps perdus. Voilà, et nous avons Florian. Oui, toujours là. Je suis un homme accompli maintenant, parce que j'ai terminé mes études. Je suis officiellement un psychologue clinicien, ça y est. Et je travaille dans les soins palliatifs. Voilà, c'est un homme accompli. Et bien, moi-même, Causons Pixel, des études en cinéma avec une licence en cinéma, président de l'association Causons Écran, chose que j'ai oublié de préciser, avec Tiffen, qui est aussi présidente. Licence en cinéma, j'ai fait les tournages professionnels, séries télé, etc., etc. Et puis voilà, je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer cette saison, mais on commence un petit peu aussi avec une mauvaise nouvelle, plus que notre sociologue préféré va se faire plus rare dans l'émission suite à des problèmes d'emploi du temps. Petite pensée à lui. Vie has come to. Vous en faites pas. Ça sera pour bientôt. Je lancerai le petit jingle quand il arrivera. Vie has come to. Puisque oui, Victor, suite à des problèmes d'emploi du temps, ne pourra pas tout le temps venir. Et d'ailleurs, ça a été un peu la galère pour prévoir cette émission, vu nos emplois du temps respectifs. Eh bien, bref, on va pouvoir commencer, une fois n'est pas coutume, avec une petite introduction. Et ensuite, on va pouvoir lancer les hostilités. Le jeu vidéo s'installe dans les écoles petit à petit, ou du moins la question est de l'y installer. Enfin, la question de l'y installer au moins se pose. Alors, un côté l'énonce presque comme outil miraculeux, l'autre comme absurde, alors que des CDI, par exemple, laissent les élèves jouer à condition que ce soit des serious games. Révolution pédagogique, démon à proscrire, le jeu vidéo a-t-il sa place dans les écoles ? Non, j'ai pas grand chose à dire. J'attends de voir ce que vous dites du coup. Non, le sujet est pas inspirant. Change de sujet. va parler de notre point Godwin préféré alors. Voilà, j'allais le dire. Déjà, faut énoncer la seule règle tacite qui s'est construite d'elle-même, quand même, tout au long de la première saison, c'est qu'on a créé notre propre point Godwin. La règle est très simple. Plus la discussion dure, et plus on est susceptible de parler d'Ubisoft, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voyez ça comme notre manière d'être chauvin, finalement. De faire de la publicité. Voilà. Bon, là, de toute façon, on va en parler par défaut, parce qu'ils ont un pied là-dedans. Mais il faut savoir que ce n'était pas calculé à l'avance, hein, dans la première saison. Ça se faisait vraiment spontanément et naturellement qu'on parle d'Ubisoft, même qu'on parle entre nous, on parle d'Ubisoft des fois. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils ont un pied directement dans le sujet? Alors. Les fameux, la fameuse union des Bretons indépendants. Software. Ben, parce qu'en fait, ils ont lancé une série à succès qui s'appelle Assassin's Creed, et que depuis ben, le premier épisode, ils se revendiquent avoir un caractère historique, en tout cas dans la représentation de l'époque. Effectivement, plus dans... Alors, je sais pas si les autres aussi, mais par exemple dans Assassin's Creed Brotherhood, qui se passe à... Rome. Rome. Ouais, Rome, c'est ça. Lorsqu'on découvrait des bâtiments historiques, eh bien, on avait des fichiers qui apparaissaient dans le jeu. On pouvait les chercher dans les options et ils expliquaient l'historique réel du bâtiment. Dans le 2, c'était déjà ça. Et dans le 1, je crois aussi, mais je dis ça avec réserve. Mais à partir du 2, c'est sûr qu'il y a une sorte d'encyclopédie. À chaque fois qu'on rencontre un personnage clé ou un monument clé, on a une fiche qui décrit ça. Donc, ça a toujours été un des arguments marketing. Mais là, ils ont renforcé ce côté-là avec ce qu'ils ont appelé le Discovery Tour. C'est un mode de jeu qu'Ubisoft a créé pour les deux derniers Assassin's Creed sortis en date, qui sont Assassin's Creed Origins, qui se déroule dans l'Égypte antique, et Odyssey, qui se déroule dans la Grèce antique, et qui se propose des visites guidées, semblables à celles qu'on peut avoir dans un musée, mais là, qui se déroule dans le monde ouvert que propose le jeu. On suit une sorte de fil d'Ariane qui nous fait passer devant des monuments importants et on a souvent une voix off qui nous explique un petit peu le contexte de construction et à quoi servait ce monument à l'époque. Et en sachant que les premiers Assassin's Creed déjà proposaient des fiches explicatives des monuments historiques et des personnages importants de l'époque où se déroule le jeu. Donc, c'est ça. Par exemple, dans Brotherhood, lorsque vous arriviez par exemple devant le château du pape, eh bien, vous débloquiez une fiche, vous pouviez aller dans les menus du jeu et lire ensuite cette fiche pour savoir l'historique du château du pape et ce que les Borgia avaient fait là-dedans. Ça a toujours été, de toute façon, un des arguments marketing de la série, la représentation fidèle, historique, entre guillemets, voilà, entre guillemets des jeux, parce que comme dans toute œuvre de fiction, de toute façon, il y a des écarts. D'ailleurs, c'est pas mal intéressant de regarder ce qu'ils ont fait dans Odyssée par rapport à la Grèce antique. Il y a le Romain Vincent. Oui, le monsieur, tu as réussi. Le monsieur qui tient la chaîne JVH, qui est une chaîne excellente, qui sera un peu notre source principale pour... Je pense, oui, plus que c'est une chaîne qui parle de l'histoire dans les jeux vidéo et aussi de la... pédagogie maintenant avec les jeux vidéo. Parce qu'il s'est engagé dans un travail de recherche sur ce sujet-là. C'est ça. Et il a fait une petite conférence avec deux historiens et il regardait, enfin lui jouer, il se déplaçait dans une ville, je ne sais plus quelle ville. D'ailleurs, elle n'était pas n'importe où, c'était celle à la Bibliothèque Nationale de France. C'est ça. Bah, de toute façon, il a un partenariat avec la BNF pour son sujet de recherche. Et les historiens revenaient un peu, enfin ils commentaient les représentations qu'il y avait de la Grèce antique dans le jeu et essayer de démêler ce qui est historiquement vrai et ce qui est historiquement faux. Et en fait, on voit qu'Odyssée est un mélange de représentations assez fidèles. Ils ont notamment représenté les statues, les monuments peints. Ils ne sont pas blancs, comme on nous l'a dit pendant très très longtemps, en fait, ils étaient peints. La peinture s'est érodé avec le temps, mais aussi durant la Renaissance, on a volontairement enlevé la peinture, ce qui avait tout un... Dans ce retour à la Grèce antique, il y avait quelque chose d'idéologique là-dedans avec la pureté et autres. Et ensuite, il pointait du doigt qu'il y avait aussi beaucoup de représentations qui étaient un peu romanesques, qui venaient du cinéma, cette époque un peu du péplum. Et moi, la question que ça m'a fait poser, c'est est-ce que c'est des erreurs des pures erreurs, c'est-à-dire qu'ils ont représenté ce qu'ils pensaient être juste, ou est-ce que c'est des erreurs consenties, dans le sens où avoir des représentations qui sont fausses, qui viennent plutôt du cinéma ou autre, ça permet de servir au public la représentation qu'ils ont de la Grèce antique, qui est forcément en décalage avec la représentation que l'histoire nous raconte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même déjà dans Odyssée, il y a tout un aspect mythologique et magique. Oui. Déjà. Si jamais vous connaissez la Grèce antique par les films et même, je pense, par des documentaires, et qu'ensuite vous allez lire ce qu'en disent les historiens, vous allez voir quand même le gap qu'il y a entre ces deux représentations. Le gap, c'est-à-dire l'écart. L'écart, voilà, le fossé. Parce que quand Ubisoft vend le fait que le jeu se passe en Grèce antique, on a des représentations qui viennent et on s'y attend. On peut retrouver ça. Sinon, ben, on pourrait même croire qu'on n'est pas en Grèce antique. Donc, à mon avis, c'est une sorte de compromis de leur part. Essayer d'être fidèle tout en donnant des points clés. Le fameux coup de pied que donne Léonidas dans le film 300 est repris dans le jeu. Voilà, ça reste iconique, c'est rattaché à cet univers un peu commun de la Grèce antique. Ils ont mis ça comme étant un pouvoir à débloquer par le personnage. Et voilà, je pense que le côté faux, c'est consenti. Ça permet de ne pas perdre les gens. Oui, de toute façon, c'est pas 100% fidèle. Hein, oui, tout à fait. Comme le vend un peu Ubisoft. Pour en venir à notre sujet du jeu vidéo et de l'histoire, c'est là où on a besoin d'un historien ou d'un professeur qui, lui, connaît les faits scientifiques et qui dit, bon, ben voilà, ça, c'est représenté fidèlement, ça, non, ça, ça sert à ça. Enfin, voilà, il y a quand même une... Est-ce que ça ne va pas induire, par exemple, les collégiens en erreur si c'est étudié en cours, en classe, s'il y a ces erreurs? La chose, c'est que là, on en vient au... Bon, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que tout jeu vidéo, qu'il soit serious game, on y reviendra tout à l'heure, enfin bref, avec une volonté d'apprentissage où l'apprentissage est directement au cœur du jeu, eh bien, ne se suffit pas à lui-même. C'est un contexte pédagogique et le professeur est indispensable. Ne serait-ce que pour noter les connaissances apprises durant le jeu, les développer, les critiquer. Donc, normalement, le professeur sera là. Mais la difficulté, alors c'est là où on va en venir, je pense, la difficulté principale, eh bien, c'est d'équiper des collèges et des lycées de PS4, oui, d'Xbox, d'ordinateurs assez puissants pour faire tourner tout ça. Il paraît que l'éducation nationale n'a pas assez de moyens. La question de l'accessibilité est vraiment une très bonne question. Donc, de la part des professeurs, je pense qu'il faut être un peu informé pour arriver à s'orienter, ne serait-ce que dans les différentes propositions. Quoi acheter? Une console de salon? Un ordinateur? Acheter un ordinateur, ça suppose acheter des jeux par rapport... Enfin, soit on a des PC à disposition, soit on achète des PC, mais il faut acheter des PC qui font tourner les jeux qu'on veut faire tourner, sachant que les PC est évolutif. Donc il faut arriver à s'orienter par rapport aux cartes graphiques, les processeurs. Enfin, si jamais on est profane, je pense qu'on est très très vite perdu. On ne sait pas quel support acheter. Puis quel établissement aussi voudra peut-être dépenser 2000 euros dans un ordinateur en sachant qu'il y a de la casse. Ouais, Damien. Puis même pour un prof, organiser un cours autour d'un jeu vidéo, c'est pas du tout évident, même s'il connaît le jeu vidéo. Et pour faire en sorte que le jeu, par exemple, ne soit pas simplement là pour être joué, c'est-à-dire qu'il y ait tout un cours autour et que les élèves apprennent avec le jeu, c'est compliqué. Oui, alors je termine avec l'accessibilité. Il y a le côté mettre les moyens à disposition, et puis il y a le côté aussi des élèves. Tous ne savent pas jouer à un jeu vidéo. Ne serait-ce que se déplacer dans un jeu en trois dimensions, ça demande un apprentissage, qui au début n'est pas évident. Il faut un certain temps quand même d'arriver à coordonner le déplacement du personnage avec la caméra. Donc, ça demande de prendre un temps préalable d'apprentissage à jouer au jeu vidéo avant de faire jouer, si jamais l'objectif c'est de faire jouer les élèves. L'accessibilité, encore actuellement, est vraiment un sujet qu'il ne faut pas sous-estimer et qui met des bâtons dans les roues. L'accessibilité et la reconnaissance, surtout du média. Parce que c'est pas encore, je veux dire, déjà le PS a encore du mal à trouver sa place comme réel cours d'importance. Alors le jeu vidéo... Il y a énormément de profs qui n'ont aucune connaissance, comme tu disais, du jeu vidéo, mais en plus qui sont complètement contre... Enfin, et sans parler des parents qui peut-être ne le verraient pas d'un bon œil, que leurs enfants soient un peu plus sur les écrans alors que le soir c'est déjà le cas. Ça c'est quelque chose justement à travailler, dire qu'on peut apprendre avec le jeu vidéo. Mais avant de venir à cette difficulté que je conçois comme la difficulté d'une pratique active consommation passive, j'avais écrit un article dessus. Il y a aussi la difficulté par rapport aux mécaniques ludiques du jeu. Qui est que plus le jeu a des mécaniques difficiles, c'est-à-dire des règles compliquées à appréhender, par exemple jouer un jeu qui s'appelle Civilization, qui est un jeu de stratégie et de gestion, avec énormément de paramètres à prendre en compte, le fait que si tu es sur un terrain de montagne, quelles ressources privilégiées selon ta culture, etc., etc., etc., pour apprendre ensuite, pourquoi pas, les enjeux géopolitiques, hein, parce que Civilization peut être un très bon exemple d'apprendre avec le jeu vidéo, du moins pour des enjeux géopolitiques et au niveau de la mondialisation, eh bien, il y a tout ça aussi. Là, Romain Vincent, par exemple, l'une de ses difficultés, ça a été avec le jeu vidéo Stronghold, qui est un jeu de stratégie qui demande du temps d'apprentissage. Mmh. Alors, et par exemple, si vous étudiez le Moyen-Âge et que vous pensez que le jeu vidéo Crusader Kings 2 est un bon élément pour apprendre les rouages de la féodalité en l'an 1000 ou 900, etc., il va vous falloir quand même une bonne semaine pour apprendre à vos élèves à jouer. Mais, ouais, vas-y, termine. Et je pense que le palier, ça serait de trouver un espèce d'entre-deux entre la volonté d'apprentissage et les mécaniques simples. Ouais. Et j'ai quelques exemples en tête, mais je vous laisse avec ça. Bah, en fait, le parallèle avec le cours de sport est intéressant parce que, pareil, le cours de sport est censé faire découvrir donc, des sports aux élèves. Mmh. Sauf que chaque sport a aussi toute une partie technique. Et d'ailleurs, les cours de sport sont vraiment dissociés en deux temps. Enfin, entre un temps, il y a le premier temps de l'échauffement. On va dire que c'est le temps un peu le préambule, mais le premier temps du cours de sport, c'était des exercices techniques pour apprendre 2-3 rudiments, pour savoir jouer. Et le deuxième temps, c'était le match. Nous, on voulait que le match, parce que c'est là où on s'amuse. Mais en même temps, si jamais on n'a pas de technique, ben, on ne peut pas vraiment jouer ou prendre plaisir à faire le sport. Et donc, la première partie du cours était chiant parce que c'était juste de la technique et on n'était pas un club de sport pour apprendre spécifiquement ce sport-là, mais ça nous était nécessaire. Et le deuxième temps du match était une récompense à l'effort. Et à la fois, ça servait de contrôle de connaissances, c'est-à-dire ben, utiliser ce que vous avez appris avant. Finalement, le jeu vidéo demande un peu ça, c'est-à-dire un premier temps d'apprentissage des règles, on se focalise que sur ça, apprendre à jouer au jeu, et peut-être un deuxième temps où on met en application ben, les connaissances que le prof nous enseigne. Donc ça voudrait dire trois temps. Le premier temps, on va dire peut-être un apprentissage assez classique. Un deuxième temps où on apprend à jouer au jeu. Et après, le temps où on joue et on met tout en scène. Et on sait très bien que dans l'éducation nationale, il manque de temps à les professeurs. Donc est-ce qu'ils ont le temps de bien exploiter ce que permettrait de faire le jeu vidéo? Et sur 25, voire maintenant 30 élèves en classe? Et ouais. Faire tout un programme classique d'histoire, plus se concentrer sur l'aspect technique dont tu parles, c'est un travail colossal. Et c'est vrai qu'il faudrait former en priorité les professeurs. Et oui. Déjà qu'ils ne sont plus formés à la pédagogie, puisque tout ça a été enlevé il y a quelques temps. Mais bon, après, je ne pense pas que l'idée, ce serait de faire, pour chaque cours d'histoire, avoir un jeu vidéo qui lui serait dédié. Enfin, le cinéma c'est invité à l'école, mais on nous a jamais diffusé un film pour chaque période historique. C'est ça, le jeu vidéo serait plus un outil comme un autre au final. C'est un complément. Ça. Oui, comme un documentaire, comme un bouquin que tu lis dans n'importe quelle matière, peut-être un complément à ce que tu apprends. Au moment où tu apprends. Alors là, j'ai perdu le mot final, mais au moment où tu es en classe, pardon. C'est un peu tautologique, ça. Je sais plus ce que tu as dit. Ce que tu apprends quand tu apprends. Tautologique, ouais. C'est la logique des blagues de Toto, ça, non? On tourne ça. En rond, voilà, c'est ça. Non, mais en plus, c'est un complément où tu peux vraiment avoir une expérience personnelle. Par exemple, si on te dit que tu étudies l'histoire et que du coup on te dit bah, dans ce jeu tu peux avoir certains moments de l'histoire que tu peux expérimenter d'une certaine façon comme tu le souhaites, bah, ça peut pousser les élèves par exemple à se pencher sur ça. Du coup ça peut être un moyen d'ouverture pour leur dire bah, si ça vous intéresse, il y a ça et après vous pouvez aller voir d'autres choses. Effectivement, mais après le cadre scolaire est toujours, qu'on le veuille ou non, un frein pour certains élèves. Tu peux même leur dire, faire un cours et dire que j'en sais rien, Doom te parle de la mythologie des démons, j'en sais strictement rien, j'ai pas joué au dernier Doom. Ça sera à l'école et t'auras toujours le « ouais bof, m'en fous quoi ». Ouais, parce qu'il y a ce contexte, c'est sérieux, on est là pour apprendre, c'est chiant. Exact. Et c'est... je pense que le truc qu'il faudrait débloquer, bon, c'est déjà que les Serious Games et des mécaniques assez simples pour s'occuper de la logique d'apprentissage, mais encore que ça ne fait pas tout, parce qu'on peut très bien jouer un Serious Games juste pour les mécaniques ludiques, c'est-à-dire ce qu'on fait en jeu, gagner des points, et c'est tout, et ne rien apprendre du tout. Et je pense débloquer, bah après ça c'est le rôle de l'école, entre guillemets, de débloquer la pratique active, c'est-à-dire que peu importe l'objet que tu as entre les mains, que ce soit un jeu vidéo, un livre, etc. Te poser des questions dessus, avoir un recul critique pour apprendre quelque chose. Parce que s'il y en a qui disent effectivement qu'avec le jeu vidéo, on n'apprend rien et on est très con, je suis désolé, mais en lisant Le Père Goriot de Balzac, tu peux ressortir tout aussi con si tu ne prêtes pas attention à ce que tu es en train de lire. Et avec le jeu vidéo, si on prend par exemple un jeu sorti il y a très longtemps, Medal of Honor en première ligne, qui est un jeu de guerre, qui reconstitue le débarquement de Normandie en 1944 sur le modèle du film Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, eh bien on peut apprendre beaucoup de choses. Il suffit juste que la personne qui joue se dise « Tiens, ça s'est vraiment passé comme ça, le débarquement », que ça déclenche un questionnement. Et là, on va apprendre des choses juste par une pratique active, alors que le jeu, de base, c'est juste le divertissement. Oui, mais il faut encore qu'elle soit en train de jouer et pas en train d'apprendre. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir ce blocage. On dit à un enfant qui n'aime pas l'école, là, on va te mettre un jeu pour apprendre ça. C'est pas sûr qu'il ait encore envie de jouer. Bah oui, lui, il a juste envie de jouer à la base. C'est pas... Oui, voilà, ça pose la question de la finalité de l'activité. Est-ce que le jeu peut être foncièrement éducatif? Est-ce que c'est pas antinomique, jeu et éducatif? Et d'ailleurs, c'est l'action que... Je pense pas que ce soit antinomique, plus qu'en jouant, on apprend, ne serait-ce que quand on jouait à papa et à maman. Mais ce qui est important... c'était une mise en jeu des... Florentin, il faut que ce soit inconscient pour justement apprendre quelque chose en jouant. Parce que si, dès le départ, tu dis « je vais jouer, mais apprendre quelque chose », je suis pas sûre que tu joues ou tu prennes autant de plaisir. Je pense pas que ça soit avec ce postulat-là, forcément, qu'on puisse apprendre. Je pense que ça peut être explicité, parce que... Je pense qu'actuellement, une des formes de jeu d'apprentissage qui est explicite, c'est tout ce qui touche au jeu de rôle. Dans les entreprises, ça se développe pas mal, ça, les jeux de rôle. Donc, du coup, ils sont vraiment constitués pour des contextes et des actions précises. Et on joue en faisant semblant, mais à des choses concrètes qui vont nous servir dans le monde professionnel. Ouais, mais... Et il y a une forme d'apprentissage. Est-ce que pendant ce laps de temps où ils jouent, ils font le jeu de rôle, ils n'oublient pas qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose pour leur entreprise ou de développer des compétences? Est-ce qu'ils ne jouent pas? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ils sont réellement en train de jouer. Oui, en même temps... C'est le principe du théâtre et du jeu de rôle, par exemple. C'est peut-être l'intérêt de d'utiliser le jeu pour l'apprentissage. C'est que pendant un temps, tu n'es plus dans ce côté assis sur une chaise scolaire où toute ton attention est orientée vers l'apprentissage. Tu n'es plus l'écolier, tu n'es plus le salarié, tu t'amuses. C'est ça. Voilà. C'est en partie pour ça aussi que je suis dubitatif, moi, sur les serious games. À chaque fois qu'on me lance « Ouais, on a un serious game, c'est tout, on va apprendre des trucs de ouf avec. » Ah non, quand je bossais dans un collège, les gamins, ils s'en fichaient, ils voulaient marquer juste le plus de points sans forcément apprendre que Strasbourg, ça se situait là-bas. Enfin, je grossis le trait, bien évidemment, mais le jeu peut être distancié. Et surtout, bon, déjà, c'est zapper complètement que le contexte pédagogique du professeur ou de l'intervenant qui utilise ce jeu-là est nécessaire. Parce que pour appréhender, faire ressortir la matière, j'ai envie de dire, mais aussi parce que le serious game, c'est une sacrée machine idéologique aussi sur certains trucs. Est-ce que je raconte l'histoire du petit serious games Vas-y, à te la fermer comme il faut. C'était un beau jour, bien ensoleillé. non, je vais la raconter normale. Bref, on m'a demandé, j'étais au collège où je taffais, de tester des serious games, comme on savait que je jouais aux jeux vidéo et que j'avais un côté très réflexif sur le jeu. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, j'en ai testé plusieurs. Il y en avait des très mauvais, des où on comprenait rien, et des où me sort pas un pavé de 150 lignes parce que ça commence déjà à me saouler. Enfin, vraiment, il y avait les pires travers. Et un jeu qui a retenu mon attention parce que je trouvais les mécaniques sympas. C'était genre les Sims, sauf que c'est toi le Sims. Et tu venais d'être employé en stage à la mairie. Donc voilà. Et tu avais un maire qui gérait une entreprise aussi. Est-ce que vous commencez à sentir le revirement de situation? Et tu devais savoir gérer ta vie entre ton travail, les appels pour ta mère, je déconne pas, et la nuit, en sachant qu'il fallait que tu dormes à une certaine heure, sinon t'allais manquer de sommeil et donc te réveiller en retard et aller être en retard au boulot et donc être moins payé, sans possibilité de rattraper tes heures. Et à un moment, et alors c'est un jeu où j'ai joué un petit moment quand même, et il y avait pas mal de pavés à chaque fois, on n'a pas le droit à la reconnaissance faciale, etc., etc. Bon, d'accord, ok, si tu veux, mais je sais pas qui le lira, mais bref. Et il y a un moment, une quête, comme tu es stagiaire... elle est en train de m'échapper. En gros, voilà, c'était une... Cette quête, tu ne pouvais pas dire non à ton patron, tu ne pouvais pas faire valoir tes droits. En gros, ton patron t'obligeait à travailler pour son entreprise, et en plus, tu n'allais pas être payé pour ça, c'était du travail supplémentaire en plus. Et moi, dans le jeu, je fais bah non, parce que dans le jeu, en plus, si tu te couches plus tard, eh bien, tu arrives en retard, etc., etc. Même en pensant avec la logique du jeu, le jeu te répond « Non, vous êtes stagiaire, vous n'avez pas le droit de rentrer en contradiction avec votre patron. » En gros, ne fais pas valoir tes droits. Ouais. Même si t'es pas payé, c'est pas grave. Même si t'es payé une misère, tu es larbin, tais-toi. Voilà, c'était ça. Et le jeu m'a... je suis resté sur les fesses. J'avais pris des captures d'écran. J'essaierai de les retrouver, mais je suis pas sûr de les avoir gardées. Et j'en avais parlé à la documentaliste à ce moment-là. Et elle m'a fait « Ouais, non, mais laisse tomber, on le met pas. » Ça ne se fait pas. Enfin, ouais. Voilà. On se demande donc par qui il a été fait ce jeu quand même. Et donc comme quoi le jeu Serious Games aussi peut véhiculer une idéologie derrière, dedans, si on n'y prête pas attention. Donc objet magique, Serious Games. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, tu lisais toute forme de jeu, pas que le jeu vidéo, c'est le... Enfin, ce qu'offre le jeu, c'est le faire. Donc il faut que l'apprentissage passe par le faire. Et oui. Sinon, par exemple, tu mentionnais les premiers à s'inscrire, mais finalement, le Discovery Tour reste similaire. Si finalement, le Discovery Tour se résume à juste déplacer un personnage pour qu'une voix off nous raconte quelque chose, autant regarder un documentaire. En fait, ce que permet le Discovery Tour, je ne l'ai pas joué, mais j'imagine qu'il permet ça. Par exemple, dans Origins, si vous voyez telle pyramide, j'espère que vous avez la liberté de pouvoir l'escalader. Oui, tu peux. Voilà, et ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut éprouver, en tout cas au niveau des représentations, la taille gigantesque de la pyramide. Parce qu'on peut se déplacer en 3D et on peut peut-être un peu sentir en 3D ce qu'est le monument. On se reconnaît dans le personnage qui gravit chaque pierre. Effectivement, on peut avoir une certaine échelle des monuments. C'est ça. Oh, bah, c'est ce que tu as dit en fait. C'est ça. C'est ça. et ça, c'est vrai que ça a un côté peut-être un petit peu plus... marquant que de juste voir une reproduction sur un 2D sur un livre par exemple. Mais bon, ça reste très minime. Enfin, juste de permettre de pouvoir parcourir un bâtiment en 3D, autant le faire avec un dispositif de VR, ce sera encore plus impressionnant si c'est juste pour VR, virtual reality, ouais. Réalité virtuelle. En gros, vous avez des casques sur les yeux. Vous êtes à la première personne, c'est-à-dire que vous ne voyez pas le corps de votre personnage, c'est à travers vos propres yeux, et vous naviguez dans un espace virtuel, sauf que là, vous êtes complètement plongé dedans par le casque. C'est ça. Donc, si le jeu vidéo, ça permet juste de parcourir des lieux en 3D, bon, ben, on le fait en VR, et en plus, maintenant, on peut créer en VR des salles qui nous permettent de nous déplacer réellement. Donc, on pourrait imaginer ça, et vraiment faire une petite pyramide, tu vois, avec des cubes de... Attends, mais t'imagines le dispositif à mettre en place. Mais je veux dire, si la partie ludique du jeu vidéo, c'est juste se déplacer, autant aller dans ce qu'un VR propose mieux que juste déplacer un personnage en 3D. Et les moyens. Non, mais les moyens, c'est par rapport à ça non, que... Non, c'est ce dont tu parlais, il faut qu'il y ait des mécaniques et du gameplay. Donc c'est pour ça que un jeu purement pédagogique, actuellement, c'est pas évident. Enfin, t'as vraiment besoin d'avoir... pour te mettre dans cette posture d'apprentissage, au moins un prof qui est là pour t'expliquer et te faire la distinction entre ce qui est fidèle, ce qui n'est pas fidèle. Ah, regarde, ils font ça. Mais tu sais pourquoi ils font ça ? Parce que si, parce que ça. Oui, en tout cas, il faut un médiateur c'est ça. Avec le jeu. Puis il y a de plus en plus d'intérêt pour le serious game. On voit que c'est quelque chose d'un peu nouveau, que certains professeurs ont envie de tester ou de personnes qui travaillent dans les CDI. Mais justement, si les collégiens, par exemple, se ruent dans les CDI pour se mettre devant le poste, enfin, l'ordinateur qui propose ces jeux-là, est-ce que ce n'est pas aussi pour braver un interdit qui est l'ordinateur ou l'écran qui n'est pas autorisé à l'école ? Oui. Et est-ce que ce n'est pas pour ça, justement ? Alors, en partie, si, puisque là, j'y avais été témoin, les ordinateurs étaient très souvent pleins, justement, pour jouer aux Serious Games. Et c'est principalement, je pense, pour l'attractivité de l'écran et du jeu, plus que pour apprendre. Je posais la question naïvement aux collégiens, ou alors je les observais, je les laissais dans leur cadre ludique. Très peu étaient capables de me ressortir quelque chose. Comme il y en a un qui jouait à un jeu, c'était... Il est sympa ce jeu pour apprendre la géographie, je me rappelle plus du tout du nom. En gros, on a une carte avec aucune frontière, etc. Et on doit placer les villes le plus proche possible de leur endroit d'origine. Et il restait là juste parce que ça faisait ch'ting, ch'ting, ch'ting, voilà. En gros. Et il s'en fichait. Et quand je fais « Viens, on joue tous les deux », il fait « Bah... » Bon, évidemment, je l'ai explosé. On m'appelle Yugi Muto, de temps en temps. Le géographe fou. Et enfin bref, c'était principalement pour ça. Et notamment, il y en a qui tournaient en rond dans le CDI en attendant d'aller sur ça, juste pour jouer. Bon, aussi pour se retrouver entre amis, parce que de ce que je remarquais, c'était... une excuse pour jouer à un jeu qui plaît entre amis aussi. Bon, là, c'était un jeu écran. Et donc, à mon sens, on arrive aussi à une autre problématique qui sont les écrans. Les écrans dans les établissements scolaires et surtout selon la volonté pédagogique. Mais ça, eh bien, ça sera après la pause musicale. Eh, je m'améliore de plus en plus, hein, franchement. Ah, là, tu m'as surpris. Ah, j'avoue, là, je suis surpris. J'avoue, là, c'est le cliffhanger. La pause musicale sera cette fois orchestrée par Daniel Licht. Et les fans de la série Dexter, eh bien, ont déjà entendu ses compositions parce qu'il a officié pour cette série. Mais pas que, parce qu'il a aussi composé pour le Silent Hill Downpour et pour la chanson qui nous intéresse, qui est The Sound of Cerkonos, pour Dishonored 2. Et on se retrouve juste après ça. Après cet entracte musical par Daniel Licht, compositeur de Dexter, des Dishonored et aussi de Silent Hill Downpour, bref, compositeur ciné, télé et jeux vidéo. Et comme on disait avant l'entracte, ce qui peut poser problème avec le jeu vidéo, eh bien, c'est la problématique des écrans. dans la mesure où le du contexte pédagogique, c'est-à-dire est-ce que la volonté de l'établissement n'est pas de limiter les écrans, selon les établissements, puisque les téléphones portables sont interdits dans les établissements scolaires, du moins celui où j'ai bossé. Tous hein, maintenant. Tous maintenant, ben voilà, ils sont tous interdits, plus avec tous les préjugés que nous avons sur les jeux vidéo. Faire rentrer un écran en plus dans l'établissement alors qu'on essaye de se désintoxiquer des écrans. Mais comment faire pour quitter son écran? Franchement, je kiffe ce silence comme réponse. La suite dans le prochain numéro. Mais c'est de ce silence, je pense, c'est la meilleure réponse à ce genre de personnes qui proposent des stages pour se désintoxiquer des écrans. Une autre partie d'Internet qui nous déteste. Bref, voilà, effectivement, si le but de l'établissement est de limiter les écrans, eh bien forcément faire rentrer même des serious games, surtout quand les ados, des fois, attendent juste leur place au CDI pour jouer et moins pour apprendre, même si c'est un serious games, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut très bien jouer au serious games sans rien apprendre du tout. Et de visu, je voyais effectivement que certains attendaient, ils déambulaient dans le CDI jusqu'à ce qu'un ordinateur se libère, ou alors jusqu'à ce que la documentaliste leur dise « Vous pouvez aller sur les ordinateurs pour jouer aux écrans. » Et ils ne venaient que pour ça, ils ne lisaient pas de bouquins, ou ils ne venaient pas travailler. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, déjà qu'ils doivent travailler le soir chez eux. Mais, oui, parce que voilà. Est-ce que c'est pas une excuse aussi d'aller sur des serious games dans les CDI et de montrer une soudaine passion pour ces jeux, alors que quand ils rentrent, je pense, à la maison le soir, ils vont pas continuer à jouer à leurs serious games, ils vont jouer à leurs jeux habituels, qui les divertissent. Mais je pense qu'ils s'en fichent en fait, c'est oui, juste donc, que c'est un jeu, je pense, tu leur dis serious games, y en a beaucoup. Quand je discutais avec eux, je fais « Ah, tu joues à un serious games, là ?» Ils me faisaient « Un quoi ?» Je fais « Bah, c'est un jeu où t'es censé apprendre en jouant. » Ils me font « Ah, bah, je m'en fous. » Oui, voilà. Ouais, je m'en fous. Bon, le dialogue, c'est pas exactement passé comme ça, mais en gros, c'était la réponse. C'était un dialogue un peu plus rigolo, en plus. Donc, c'était principalement une excuse, donc le serious game, effectivement. Oui, donc voilà, l'emballement des établissements ou des professeurs qui sont vraiment... Des médias aussi. Des médias, voilà, qui sont à fond sur le serious game à l'école. Ils n'ont pas forcément ces retours-là, peut-être, je ne sais pas, ouais, mais... parce qu'il y a cette illusion que c'est magique. Mm. Oui, mais bon. On parlait tout à l'heure à l'idée qu'on pourrait dispenser d'un professeur juste en faisant jouer un jeu. Et vraiment, c'est intéressant ce que tu dis, le fait qu'il... ce désir de se retrouver à plusieurs pour partager un moment. Et je me dis que des jeux qui offrent beaucoup de créativité comme Minecraft, il y a peut-être moyen en fait de faire des choses intéressantes. Alors, ce que tu viens de dire, je ne sais pas si on l'a dit en off ou si on l'a dit au moment où on enregistrait. Oui, parce que dans le CDI, certains serious games auxquels ils jouaient, eh bien, on pouvait jouer sur un réseau en LAN, en local, c'est-à-dire les ordinateurs étaient reliés entre eux et ils pouvaient jouer ensemble. Eh bien, ces jeux-là étaient juste une excuse pour se retrouver au CDI, ensemble, à jouer à un jeu qui leur plaît. Un peu comme on se retrouve sur Fortnite, pour jouer juste avec ses amis. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça avait été dit en off ou pas. Parce que tu vois, Minecraft, avec la liberté créative qu'il autorise, et en plus, tout le côté, ce qu'on appelle l'aspect roleplay, c'est-à-dire... jeu de rôle. Voilà, se définir en rôle et l'incarner. Tu peux mettre, en fait... Tu peux créer plein de situations différentes et les faire jouer à plusieurs aux élèves. Et à mon avis, il y a... Minecraft, par contre, j'oublie. Même s'il y a des enfants qui jouent, des fois, les parents ne savent absolument pas ce que c'est. Ouais, alors, il commence à dater ce jeu. C'est un jeu indépendant, à la base, avant que Microsoft le rachète il y a quelques années. C'est un jeu qui est fait de cubes, avec des graphismes en pixels. Et le principe du jeu, c'est un graphisme très simple. Ouais, c'est des carrés, des petits carrés. Et la base du jeu, c'est qu'on peut récolter ces cubes. Alors, il y a différents types. Il y a des cubes qui sont de la pierre, du bois, des feuilles et autres. En fait, on peut récolter tous ces matériaux-là pour créer des objets. Et à partir de là, on peut créer ce qu'on veut. Voilà, il y en a qui ont créé Minas Tirith, la tour, le château du Seigneur des Anneaux. Et il y a énormément de créations de joueurs qui jouent. C'est ça. Avec un mode survie en plus, où il y a des petits monstres qui nous pourchassent la nuit. Dans ce cas, il faut s'abriter, il faut créer des abris, travailler en équipe. Ça, c'est le mode, le premier mode, le mode de base. Et ensuite, très vite, il y a eu le mode créatif, où il n'y a plus de notion de danger. je crois qu'on a accès au bloc en illimité. C'est ça. Et en fait, on construit. Et il y a sur des joueurs qui jouent en ligne, sur des serveurs, on recrée des villes, des villages, avec des organisations. Et là, il y a tout le côté roleplay, justement. Effectivement, plus que certains, quand on recrée des villes et des villages, et bien certains jouent les forces de l'ordre, d'autres les voleurs. Bah oui, on est dans un jeu vidéo, rien n'est vrai, tout est permis. Donc on peut être le voleur ou alors le paysan qui essaye simplement de faire vivre sa petite maison en faisant avec de l'agriculture, etc., etc. Effectivement, peut-être dans l'apprentissage, il peut y avoir quelque chose. Et ouais, Tiffaine, t'allais dire un truc ? Non, je réfléchissais à ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que aussi le... Parce qu'on joue chez soi et on apprend chez soi, parce que c'est pas, on n'apprend pas qu'à l'école, justement, on se forme de tout, de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on peut faire en activité en dehors. Mais est-ce que le fait de jouer à l'école... En fait, je suis en train de perdre complètement ce que je suis en train de dire. Donc, si quelqu'un veut meubler en attendant... C'est contagieux, je pense. Ah ouais, c'est terrible. Vas-y. Je voulais revenir, je crois que c'est toi qui en parlais d'ailleurs, Tiffany, ou c'est toi, Florentin, je ne sais plus, dans l'idée qu'il faut que le jeu vidéo soit légitimé pour être présent à l'école. Ah, mais ça, j'ai retrouvé. Et en fait, dans la démarche d'Ubisoft de faire le Discord Retour, on peut y entendre une idée de justement rendre légitime le jeu vidéo comme support éducatif. Et c'est là où j'émettrai quelques réserves, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'Ubisoft reste un gros poisson parmi les gros poissons dans l'industrie du jeu vidéo, et que son intérêt premier, c'est de créer toujours plus de capital. Il y a une volonté, alors peut-être que les gens qui ont façonné ce Discord Tour vraiment étaient animés de cette idée d'avoir cette dimension pédagogique et de vouloir l'ouvrir, Mais comment l'éducation nationale, par exemple, va choisir entre les différentes sociétés qui font des jeux vidéo? Il faut quand même acheter le jeu, au final. Ça reste une licence... Parce que là, l'entreprise rentre dans l'école. Bon, je sais qu'il y a des personnes, des éditeurs qui vont proposer les manuels scolaires, mais là, c'est encore une autre entreprise, une autre... Et puis, c'est un sacré coup marketing, puisque depuis tout à l'heure, on ne parle que du Discovery Tour. Oui, effectivement, on n'a pas parlé d'autres aussi précisément. Et actuellement, quand on pense à un jeu à dimension historique, on pense à s'inscrire. Et quelque part, la publicité rentre dans l'école. Voilà. Et c'est là où le coût est très fort. C'est surtout qu'en plus, ils font vraiment toute une grosse promo sur ça. Donc, les autres jeux qui sont historiques, mais qui ne font pas cette pub... Moi, ce qui me permet un peu de nuancer cette bonne volonté d'Ubisoft, la première, c'est pourquoi ils ne font pas des Discovery Tours pour les jeux anciens, qui représentent aussi d'anciens contextes. Notamment... Assassin's Creed Unity qui se déroule durant la Révolution française. Pourquoi rétroactivement ne pas créer un Discovery Tour sur tous les jeux jusqu'au 1? Je pense que c'est possible techniquement, en tout cas. Déjà bien. Et puis, quand Notre-Dame a brûlé, Ubisoft, quelques jours après, pendant le momentum de cet événement-là, a offert Assassin's Creed Unity. Et il y a beaucoup de gens qui ont récupéré le jeu. Et voilà, ça a ramené beaucoup de nouveaux clients sur leur plateforme qui s'appelle Uplay. Mais ils vantaient d'ailleurs le fait que oui, vous pouvez retrouver la cathédrale modélisée. C'est complètement opportuniste. Donc c'est pour ça que tu es dubitatif sur l'entrée du Discovery Tour dans les écoles. Ils ont forcément un intérêt à le faire, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la partie marketing, tout simplement. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que Romain Vincent disait dans une interview, un entretien avec Un Drop dans la Mare. Alors, si vous vous intéressez à la partie réflexive du jeu vidéo, Un Drop dans la Mare est une excellente chaîne YouTube. Et je ne peux que vous inviter à aller voir non seulement cet entretien-là, parce que Romain Vincent est quand même un recul très critique sur le jeu vidéo, tout en y jouant. Et Un Drop dans la Mare, c'est toujours... c'est toujours hyper intéressant aussi à regarder. Toujours pertinent. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'un des seuls intérêts, je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est que ces Discovery Tour, ça montre la technique qui est mise en place pour remettre en place tous ces monuments, pour les faire visiter, pour mettre des personnages en scène dans des vies quotidiennes. Ça montre qu'on peut faire ça aujourd'hui. Mais après, est-ce que ça a vraiment un intérêt pédagogique? Moi, je suis pas trop Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça fait aussi partie d'une mode, j'aime pas trop le terme, mais on va dire d'une mode qui est de faire entrer le jeu en général, à l'école. Et est-ce que c'est est-ce que vraiment ça va servir la pédagogie, l'apprentissage ? C'est pas sûr. On voit qu'il y a de plus en plus de cours qui sont faits de façon très ludique, très, voilà, dans le jeu. Mais les résultats, voilà, je connais pas les résultats, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très actuel dans toutes les matières. On voit qu'on cherche à ce que les enfants n'apprennent plus, les leçons ne sont plus apprises comme avant. Il faut que ce soit un divertissement et plus un apprentissage pur et dur. Après, je critique pas, je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais... Mais c'est vrai que ça fait partie d'une tendance générale, je pense. Je pense que cette volonté de faire entrer le jeu vidéo dans les écoles, alors à tout prix pour certains, d'autres avec plus de recul quand même, parce qu'il faut avoir un peu de recul, à partir du moment où on te dit c'est magique, il faut se poser deux, trois questions quand même. Ça vient du fait du... alors je me demande s'il n'y a pas cette espèce de peur qu'on a toujours avec la jeunesse, c'est-à-dire oh, ils ne s'intéressent plus à rien, ils sont tous en décrochage scolaire, etc. Et il faut trouver un nouveau truc pour les intéresser, etc. Et je me demande si, en partie, cette espèce de mythe, j'ai envie de dire, autour de la jeunesse, ça motive pas, en partie, cette volonté de vouloir faire entrer à tout prix le jeu vidéo dans les écoles. Comme une chute en avant. C'est ça, voilà, c'est, on va le faire entrer parce que ça va, ils vont accrocher tout de suite, parce que c'est fun et c'est trop cool. Ça dépend comment tu amènes la chose encore. Et après, encore une fois, tu parles, des fois tu parles plus du jeu vidéo que tu ne le joues. C'est ce qu'on disait au début. On décontextualise souvent le jeu comme le gamin à qui j'avais appris le déplacement des troupes grecques durant la je commence à perdre mes mots, ça devient compliqué. La Grèce antique. Je me bats avec moi-même. C'est un combat de titans. Débrouille-toi. il apprenait les mouvements des Spartiates, des Grecs, enfin des soldats grecs, et j'avais utilisé Rome Total War pour lui montrer les mouvements, mais là je lui ai juste montré une vidéo parce que je n'avais pas de documentaire qui montrait expressément ces mouvements avec autant de détails. Ouais, cette fuite en avant, elle pourrait essayer de masquer les problèmes qu'a déjà l'école, c'est les moyens et le temps alloués aux professeurs pour faire leurs cours. Mmh. Ah ouais, exactement. Attendez, stop. Alors, qu'on vous explique, nous avons un micro qui vient de nous lâcher. Et alors, si vous entendez que le montage est un peu charcuté, c'est normal, c'est parce que nous cumulons les problèmes techniques et nous nous en excusons. Paix au micro. Paix au monteur qui va devoir se charger de monter tout ça. Bon, ça y est, on a perdu fort. C'est les nerfs qui lâchent. Non mais en vrai, nous sommes fatigués parce qu'il est 21h38 et nous y sommes depuis 19h. Et en plus, Stephen s'est rendu compte qu'elle a acheté le mauvais câble. Voilà, en plus on a acheté le mauvais câble. Voilà. C'est pour ça que c'est moi qui ai le micro et pas elle. C'est ça, mauvais câble, rétroviseur volé. Victor est pas là, cette émission, c'est la déchéance. Cette saison 2. Je trouve qu'elle commence trop bien en vrai. Ouais. Bref, le jeu vidéo dans les écoles, donc je disais Rome Total War, et toi tu disais Ubisoft. Comme d'hab. Pour l'instant ça va, toi jeu stratégie. Voilà, donc tu étais un peu dubitatif par rapport à la volonté d'enseigner d'Ubisoft, bien que des développeurs à l'intérieur de ce Discovery Tour et de ce Assassin's Creed aient une très bonne volonté de voir. Je ne remets pas en cause les artisans, mais voilà, ceux qui décident, je pense qu'ils ont d'autres visées que le purement éducatif, parce que... Et ça, c'est Romain Vincent, encore une fois, l'a très bien pointé du doigt, plus que dans l'entretien qu'il a fait avec Un Drop dans la Mare. On s'excuse, on ne sait plus ce qui a été en off ou pas avec les problèmes d'enregistrement. On s'excuse, l'a très bien pointé dans l'entretien qu'il a eu avec Un Drop dans la Mare, et il montrait des extraits de Ubisoft en mode le codex ou le décodex, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Ouais, le codex. La volonté de rentrer dans les écoles. Là, ça devient un truc assez problématique. Je crois que c'était dans la Société du Spectacle et dans un autre article du Monde Diplo, où il disait que la frontière entre information, communication, etc., éducation commençait à devenir de plus en plus floue. Et ben là, ça devient problématique, surtout dans matière d'éducation, où évidemment, surtout en France, que le privé s'invite dans l'éducation, c'est très très mal vu, à cause de ce mercantilisme et de cette volonté de vouloir d'abord consommer quelque chose, et l'éducation n'est pas un bien consommable. Mmh, tout à fait. Et sinon, problématique des écrans aussi. Vraiment, c'est compliqué de reprendre. Problématique des écrans aussi. Faire rentrer encore une fois des écrans dans un contexte pédagogique en sachant que nous sommes abreuvés d'écran et que tout le monde est en mode paranoïa des écrans, parce que comment faire pour se désintoxiquer des écrans? Franchement, je me lasserai pas de ce silence. Bah, sinon, tu viens un ermite. Et voilà. À la montagne. Et là, il n'y a plus d'écran. En plus, plus sérieusement, c'est ce qui peut gêner aussi dans l'entrée du jeu vidéo dans les écoles. Mais je pense que ça ne gênerait pas, dans la mesure où il y a, comme on dit depuis le début, une pédagogie des professeurs. Des professeurs qui sont évidemment au courant de tous les enjeux du jeu vidéo, de la remise critique à prendre en compte. Par exemple, le Discovery Tour, si effectivement il est bien dans une problématique d'échelle, voire la taille des pyramides, etc., eh bien, revoir ce recul critique, par exemple, dans Assassin's Creed, c'était Origins, où il y a eu le problème des coquillages. Ouais, dans Odyssey, il n'y a pas. Voilà, c'est ça. En gros, ils ont censuré les statues, les tétons des statues et les sexes de ces statues-là qui représentaient des divinités. Il y a une espèce de pudibonderie, comme ça, de petites censures. Alors, ce qui est intéressant sur cette censure-là, c'est qu'évidemment, elle a remis en cause tout le contexte du Discovery Tour à ce niveau-là, puisque dans les livres scolaires, on ne censure pas. Enfin, c'est des statues, quoi. Bref. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé dans Odyssée. Et justement, ce recul critique-là, ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est qu'elle a permis de se rendre compte que le jeu vidéo dans les écoles, ça peut être sympa, avec la bonne pédagogie, mais comme tout document historique, comme toute fiction historique, bien que... J'ai envie de balancer du Nietzsche, là, juste pour me la péter. Vas-y. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Voilà, sur l'histoire, etc. Bref, comme tout document, si on suit cette phrase en plus, eh bien, il faut avoir un recul critique par rapport à ça. Et puis, dans le doute, on va en reparler. Tu parlais d'utiliser les jeux vidéo de manière magique, et surtout dans cette idée d'une fuite en avant pour essayer de résoudre les problèmes qu'a l'éducation nationale en ce moment. Et effectivement, cette utilisation, cet empressement de vouloir utiliser le jeu vidéo peut mener à ça. Alors que le jeu vidéo ne doit être qu'un médiateur, comme un film peut être un médiateur, comme un livre peut être un médiateur. Et il ne faut pas que ça serve d'excuse à ne pas vouloir résoudre des problèmes qui existent déjà depuis longtemps, c'est-à-dire le temps accordé aux professeurs pour correctement enseigner le programme. Et aussi avoir des professeurs, on va dire, qui ont en tout cas un parcours qui leur apprenne la pédagogie. Enfin, qui sachent enseigner, qui sachent donner envie. Parce qu'il y en a qui ont ce truc de manière un peu innée. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut apprendre. Et la manière d'être du professeur est très, très importante. Peu importe la matière, peu importe le cours, pour donner envie. Enfin, on a tous un exemple on se rappelle tous de certains profs qui nous ont marqués et qui nous ont intéressés à un cours. Et ça, il faut plutôt chercher à cultiver ça plutôt que mettre les jeux vidéo partout avant tout. Enfin, je pense qu'il y a une question de priorité aussi dans l'histoire, quoi. Et éviter cette fuite en avant. Est-ce qu'on fait un petit big up à Pablo Picasso? Voilà, big up à tous nos profs de Pablo Picasso qui ont été d'ailleurs génial. Et on le dit rarement pour les profs qui étaient bons. Je sais pas si on peut... citer des noms, mais... Ouais, on va peut-être pas le dire s'ils ne veulent pas être cités, mais... Un prof de français en particulier... Ouais. Mais deux profs d'histoire aussi, anglais, français aussi, philo. Philo. Oui, voilà. Prof de maths aussi. Bref, c'était la petite parenthèse, merci au prof. D'ailleurs, en prof de maths, moi je me rappelle en BTS, alors je sais plus quelle partie du cours, mais qui nous a illustré ça en nous parlant d'un Zelda, celui où on peut passer dans le monde des ténèbres, ou je sais pas, je sais plus lequel c'est de Zelda, c'est Link to the Past, je crois, non? Et oui, ça a été lumineux, enfin, bon, pour ceux qui avaient la référence, mais ça parlait particulièrement. Mais voilà, il a utilisé le jeu vidéo juste comme référence culturelle pour exposer un fait mathématique et ça a marché. Donc, oui. Et encore une fois, là, comme tu le dis, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres pour intéresser. Mais il faut vraiment qu'il soit utilisé comme un médiateur. Et peut-être une dernière chose aussi, c'est que le jeu vidéo peut être intéressant dans la mesure du décrochage scolaire. Comme c'est encore une fois monsieur de la chaîne JVH, vraiment, on vous recommande cette chaîne. Ah oui, c'est... Qui a utilisé un jeu, Life is Strange, qui met en scène des adolescents avec la problématique, toutes les problématiques de cet âge-là, et ainsi que le jeu Overcooked, où on est un cuisinier de l'extrême, on doit, on doit cuisiner dans des situations un peu rocambolesques, et il l'a utilisé pour... que les ados parlent un peu plus de leurs choix, de leurs émotions, etc. Mmh. Encore une fois, c'est un médiateur très intéressant. On vous recommande cette vidéo. Je la mettrai dans la description, enfin comme l'entièreté de la chaîne à peu près, parce que ce médiateur-là peut aider. Lui, il a utilisé Life is Strange parce que c'est un jeu où on fait des choix dedans. Va-t-on faire ci ou ça directement ? Bon, il exprime aussi les difficultés. Et il utilise ses choix pour faire ressortir des choses chez ces ados-là, pour qu'ils puissent mieux appréhender leurs émotions, pour qu'ils puissent mieux les comprendre, et voir ce qui ne va pas, etc. Bref, faire un travail tout autour de ça. Mais du coup, ça montre bien que les jeux vidéo, c'est pas simplement une question de « on va te faire apprendre l'histoire, on va te faire apprendre les maths », il y a d'autres choses qui peuvent en ressortir, et même d'autres choses qu'on peut apprendre avec. Mais notamment, tu as fait une vidéo sur ta chaîne, par exemple, sur Orwell. Mais dans Orwell, tu n'apprends pas les maths. Tu n'apprends pas une matière en particulier. Tu apprends les dangers qui sont liés au réseau ou tout ce qui est de la surveillance. Donc ça, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'un cours, tu vois. Mais c'est pas, ça rentre pas dans une catégorie précise de cours. Mais ce que tu disais par rapport à Life is Strange, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la démarche qu'il a eue, la manière dont il a pensé cet atelier-là, et enfin, comment ça a été déroulé, c'est très proche des choses qui sont faites, notamment dans ce qu'on appelle les médiations thérapeutiques, tu vois, dans la démarche. Oui, oui, je crois que pour les psychologues, il y a en gros, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 façons d'utiliser le jeu vidéo en tant que médiateur avec son patient, soit le laisser complètement, soit le psy. Oui, il y a différents cas, mais c'est vraiment de penser ce temps comme un temps qui est vraiment dédié à un but, et là c'était de parler un petit peu des problématiques des adolescents avec un temps de jeu, un temps de discussion et autres. Et peut-être que le jeu vidéo gagnerait à être vraiment plus qu'être utilisé comme un substitut du manuel scolaire, mais comme une médiation. Et limite, ça pourrait du coup se faire peut-être à côté des cours, tu vois. Peut-être pas mettre le jeu dans le cours d'histoire, mais avoir le cours d'histoire et à côté un temps de médiation avec le jeu vidéo. Et qui permettrait, enfin après il faudrait voir les visées, mais c'est, ouais. Ouais, mais peut-être que ce serait pas mal que ça encourage aussi les adolescents ou les personnes plus âgées à, comme tu disais, la pratique active, en fait, quand ils sont chez eux, à vraiment aller fouiller, aller plus loin que ouais. le jeu vidéo et le divertissement, à aller même sur Internet, hein, chercher des informations, mais aussi dans les livres, aller beaucoup plus loin. Peut-être que ça pourrait permettre de transmettre ça, mais... cette posture qu'on n'arrête pas de parler depuis le début, cette posture active. Mais ça encore, ça va être le rôle du professeur, de l'enseignant, de l'encadrant, de voir faire ça. Voir du parent s'il commence à s'intéresser aux jeux vidéo. J'avais lu dans un article d'un psychologue, je crois que c'était sur la cyberdépendance. Et c'était une petite qui avait réussi, enfin son père avait réussi à refaire un lien avec elle alors qu'elle s'enfermait de plus en plus dans les réseaux suite à divers problèmes. Et ce lien, il a réussi à le faire en lui apprenant l'histoire avec le jeu Age of Empire et Age of Mythology. Et comme ça, il a réussi à se rapprocher de sa fille et à l'amener à apprendre avec le jeu vidéo. En gros... discuter juste l'élément que nous avons entre les mains. Il n'est ni magique, il est simplement humain. Et le tout, c'est de causer les écrans. C'est bien, voilà. Petit placement là. Et Google, Apple, vous voulez me recruter? Moi, je fais tout. Hein. je pense qu'on a fait le tour de la question, non? Du coup, moi, je voulais juste rajouter que par rapport à ce que tu disais, c'était un petit peu aussi l'idée que j'avais, c'est que tu avais le cours et qu'en fait, à côté, tu avais des sessions dédiées justement à un jeu sur un aspect particulier du cours. C'est-à-dire que vraiment, ce ne soit pas tout le cours et le jeu vidéo dans le cours, mais qu'on ait vraiment un temps à part dédié à ça. Je trouve que ce serait, comme je le disais, un complément plus intéressant. Ouais, ça pourrait être des pistes à explorer en tout cas. Il y a des choses à faire, hein, c'est certain. Voilà. En bref, effectivement, on peut apprendre avec le jeu vidéo, avec Civilization, vous aurez... Eh bien, vous apprendrez peut-être, si vous vous questionnez sur les personnages historiques que vous incarnez dans Civilization, jeu de stratégie gestion où l'on incarne un peuple de la préhistoire jusqu'à... Juste, je voulais préciser, par rapport à Civilization, Gandhi n'était pas forcément agressif. Hein. Oui, effectivement, parce que c'est un petit gag dans Civilization, alors que Gandhi est pacifiste dans la réalité. Au moment où Civilization 2 est sorti, je crois, il y a eu une erreur dans le codage du personnage de Gandhi. Et ce qui fait que si vous jouiez contre Gandhi, eh bien, dès qu'il avait l'arme atomique, il vous nucléarisait tout le pays. C'est génial. Et c'est un truc qui est resté, même dans le 4, dans Civilization 4, Gandhi est vachement agressif. Donc si vous avez Gandhi, pulvérisez-le, faites un truc. Pourquoi vous croyez qu'il attaque pas avec ses armes? Il attend la bombe nucléaire. Bref, oui, donc avec Civilization, les enjeux géopolitiques, les enjeux de l'arme nucléaire, même si on y réfléchit bien, du hard power, du soft power. Parlons d'un exemple qui te tient à cœur, Mafia 3. Oui, ah, Mafia 3. Par exemple, 3, pour sortir un peu des assassins, qui peut apprendre beaucoup de choses sur une époque particulière. Effectivement, plus que Mafia 3 se situe en 1968, époque charnière dans l'histoire américaine, plus que la ségrégation raciale a été abolie, évidemment, au niveau de la loi, mais au sud des États-Unis, eh bien, on est encore profondément raciste pour une majorité de la population, en dessous de la Bible Belt, donc sud des États-Unis, la Louisiane, la Floride, etc. Et le jeu, évidemment, prend tout ce contexte-là, et il est riche en contexte historique, et eh bien, au niveau de la pratique active, au niveau de l'histoire, il est très, très, très intéressant. Mmh. Et oui, et là, comme on incarne une personne noire à cette époque, justement, qu'on soit blanc ou noir, enfin, actuellement... On ne connaît pas forcément ces violences-là, les violences qu'il y avait à cette époque. Et justement, le jeu, l'immersion permet de se rendre compte de ça, de le vivre et de le ressentir. Et là, pour le coup, c'est vraiment... ça peut être une avancée incroyable dans l'état d'esprit des gens. Donc, au-delà du jeu, de l'éducation, ça peut être... c'est éducatif, en fait. C'est éducatif. C'est un peu le Black Clansman du jeu vidéo en beaucoup, beaucoup plus violent, forcément, puisque le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Et oui. D'où l'intérêt pour le jeu vidéo de s'engager et de faire attention à ses propos aussi. Effectivement. Alors, si vous voulez plus de détails, j'en ai parlé dans une vidéo, Black Clansman et Mafia 3, même combat, où on parle justement de l'engagement du jeu vidéo et du contexte historique de Mafia 3. Que le vidéo ait un message politique, c'est encore très très compliqué. Plus, ce n'est pas le sujet. Oui. Il est 22h. Mais là, donc. Il ne veut pas assumer qu'il a une portée. Effectivement, c'est prévu dans un prochain débat qui se passera encore une fois aux alentours de 22h. Oui. Moi, du coup, c'est juste. Oui. Parle vite parce que c'est chiant. Non, moi, c'est juste pour. Par rapport à ce qu'on disait sur le jeu vidéo, peut apprendre des choses. C'est juste une anecdote personnelle. C'est. Par rapport au jeu Paradox Interactive, donc pour ceux qui ne connaissent pas Paradox Interactive, c'est un studio qui fait des jeux qu'on dit de grande stratégie, où justement on doit gérer des pays et gérer des périodes historiques. Voilà, vous avez tout un contexte géopolitique et historique, puisque vous dirigez des grands dirigeants, et vous avez même la page Wikipédia accessible sur ces jeux-là, notamment Crusader Kings et Heart of Iron. Voilà, donc ça c'est des studios qui font vraiment des jeux de grande stratégie, et par exemple, pour moi, je prends un exemple dans Crusader Kings, qui est un jeu assez connu de ce studio. Je jouais un comté donc, où il y avait la ville d'Avignon, là où j'habite, qui s'appelle le Comtat Vénessin. Et en fait, j'ai voulu jouer ça parce que c'est ma ville de base. Et à partir de là, je me suis dit, je vais en apprendre un peu plus. Je vais essayer de voir comment c'était à l'époque, qui c'est qui dirigeait le duché du coup, de Provence. Est-ce que ça existait déjà? Ensuite, est-ce qu'ils avaient des royaumes de jure? Pourquoi c'était comme ça? Et en fait, ça montre bien qu'à partir de là, le jeu, à la fois, me laissait la liberté de me renseigner et en même temps, garder ce cadre historique de me dire « Tu es dans la France, tu es sous ce roi-là, donc tu c'est, dois... » C'est chouette, hein, parce que toute la problématique du duché d'Aquitaine, si je ne me trompe pas de nom et le royaume de France. En c'est ça, et puis en etc. plus, il y a toute la création de duchés qui ne sont pas encore créés. Y a... Voilà. Et exactement. En fait, tout ça, c'est implémenté dans le gameplay, et du coup, ça te la force. Manière de jouer. Voilà, dans la manière de jouer, et ça te force à les apprendre pour essayer de t'en sortir, parce que ce sont des jeux qui sont souvent assez difficiles. Donc, du coup, tu t'es intéressé à l'histoire de et ta donc, ville. Du coup, je me suis intéressé à l'histoire de ma ville, et du coup, j'ai appris que ça s'appelait le Comtat Vénessin, alors que pour moi, je ne savais pas. Ah, c'est chouette comme témoignage. Et du coup, voilà, j'ai appris les choses comme ça. Et c'est pour ça que je dis souvent que j'entends des gens me dire par rapport au studio Paradox, oui, vous pouvez apprendre des choses. Alors oui, mais il faut nuancer, ça veut dire que vous pouvez apprendre des choses, mais il y a quand même toute une réflexion personnelle, il faut que vous ayez envie de vous renseigner. Le jeu ne suffit pas. Voilà, le jeu ne suffit pas. Pratique active, encore une fois. Ouais. Surtout qu'en plus, ce sont des jeux très difficiles, donc si vous ne faites pas un effort d'essayer de comprendre les mécaniques et un peu l'histoire en fait, de l'endroit que vous jouez, bah, c'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous aimez ce genre de jeu, je voulais placer ça au moins une fois dans l'émission. Tiffaine, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, non, juste pour rebondir sur ton anecdote, c'est effectivement, le jeu vidéo peut paraître révolutionnaire aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, les plus jeunes s'y intéressent énormément et on a envie de happer ces plus jeunes par le biais du jeu vidéo pour les intéresser à autre chose. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres moyens aussi de s'intéresser à la culture, s'intéresser à l'histoire par exemple. Parce que toute époque a eu son média et il y a une époque pas si lointaine où le cinéma était arpenté par les plus jeunes, où la littérature et en fait, oui, le jeu vidéo c'est super, mais il n'y a pas que ça. Et vous pouvez aussi passer par d'autres choses et vous aurez le même résultat. Mais tout ce qui est important, c'est la curiosité que vous apportez, c'est votre envie d'aller plus loin et de dépasser le média. Et ça, c'est le cas pour toute époque et tout média. Je trouve que c'est une superbe conclusion. Je suis d'accord. Non, mais en vrai, oui, je pense que ça conclut assez bien la chose. Le jeu ne suffit pas en lui-même. Il faut le dépasser. Ce n'est pas un objet magique, qu'il soit serious game ou pas. Le serious game, c'est un jeu comme un autre, au final, et on peut très bien y jouer. Il ne strictement rien apprendre avec le serious game, peu importe les pavés que vous mettez, peu importe le truc. D'ailleurs, dernière chose, il y avait un Serious Game. Ce qui est intéressant, c'est que j'y ai joué. C'était dans une médiathèque. Et j'ai appris que ce Serious Game était accompagné d'une fiche pour noter les savoirs. Comme quoi, le jeu ne se suffit pas en lui-même. Et les développeurs, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient apparemment compris ça. Ouais. Eh bien, mesdames et messieurs, merci. Merci à vous d'être venus, d'être restés si tard. D'être restés si longtemps. Voilà, si longtemps malgré les problèmes techniques, mais je pense que c'est les pizzas qui notre qui récompense. Dire. Voilà, ça sera notre récompense. Voilà, j'avais un autre mot et je l'ai oublié. Merci à vous qui nous écoutez. Sachez que l'émission est disponible évidemment sur YouTube et PodCloud. Voilà, c'est déjà bien quand même, YouTube et PodCloud. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. On repart pour une deuxième saison. Et qui s'annonce de belles augures. On espère la sortir tous les mois malgré nos emplois du temps très très compliqués cette année. Mais on va essayer de faire au mieux. Sur ce, à la prochaine. Et restez critiques envers le pixel. Salut. Ciao.